Et des bénévoles du festival, des gens qui y travaillent. Nous passons à la technique avec le retour de Thierry Simoneau à l'antenne pour l'enceinte du jour. Oui, et juste avant de passer à la chronique de l'enceinte du jour avec Thierry Simoneau, je voulais faire juste une petite annonce, c'est-à-dire que ce matin, une culotte a été retrouvée dans le hall du festival, devant la porte d'entrée, tout proche de la grande salle. Donc voilà, la personne qui a oublié cet effet personnel peut venir la récupérer au bar. Et tout de suite, la chronique donc, de l'enceinte du jour avec Thierry Simoneau. Mais dis-moi Thierry, quelle est cette enceinte ? Eh bien, cette enceinte, c'est la paire de fesses. Mais encore ? Il s'agit de la JBL 4425, qui est un moniteur de studio et qui a comme particularité d'avoir un guide d'ondes pour les aigus qui ressemble à une paire de fesses. D'accord. Est-ce que tu peux me la pointer du doigt pour les auditeurs et les auditrices ? Ah oui, effectivement, on dirait bien une paire de fesses. Et à quoi est-ce qu'elle sert ? Ben, dans le dispositif ici, elle et sa frangine en dessous, elle constitue une stéréo tout écrasée en fait, où le canal de gauche et le canal de droite sont sur un seul point, quoi, l'une au-dessus de l'autre. D'accord. Est-ce que tu peux nous la faire écouter ? Oui. Saisissant. Merci beaucoup. Avec joie. Merci, merci beaucoup Thierry Simoneau et merci Antoine d'avoir été interviewé Thierry. C'est toujours un plaisir de le faire. Ouais, je comprends.